raison pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. À tous les auditeurs auditrices de Radio Guémozo 107 FM, vous nous suivez sur le web, vous connaissez bien le lien maintenant, je ne le rappelle pas, si ? Oh si, on va le rappeler, allez. Alors, http://rgm.vosges.io 8000/rgm. Ainsi que tous nos amis Facebook. Vous pouvez également nous écouter sur l'application Orange Radio. Bien sûr. Voilà. Alors, bonjour le Québec. Il est 10h. Je salue mes cousins, mes cousines du Québec. Je leur fais un petit bisou donc à toute ma petite équipe de choc. La Suisse et la Belgique sont à l'écoute. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci. Ouais. Et toi? Écoute, ben ça va bien. Cool. Hein, voilà. Le soleil. On a eu des belles journées. C'est pas grave. Le soleil aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. Bah, tu es là. Mais bon, le soleil est dans le studio, du coup. Merci, je te retourne le compliment, Lia. Alors bon, c'est pas l'été indien aujourd'hui. Eh ben non. C'était la semaine dernière. Voilà. Alors, bonjour Vivien, j'oublie pas, il y a Vivien qui est chez nous dans notre studio. Bonjour Vivien. Bonjour Gilou, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Plaisir de faire ta connaissance. Alors, je voulais faire un petit appel à tous mes amis artistes qui souhaitent participer aux années Bonheur, s'ils sont à l'écoute, de contacter mon amie agente Lynn et moi-même sur notre page Gilles Mougel officielle. Vous êtes avec Gilou dans les années Bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Pour ce jeudi, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone une artiste, auteur, interprète, compositeur, Martine Auer, sosie officielle de Michel Thor et Véronique Sanson. Avant de rejoindre mon invité, je rappelle, pour vos messages, c'est sur nos pages Facebook respectives, RGM et Gilles Mougel officiel. Voilà. Je retrouve maintenant Martine. Bonjour Martine. Ben écoute, bonjour Gilles, comment ça va? Ben écoute, ça va bien et toi? C'est très bien, toujours très bien. Toujours très bien, voilà. Ben je passe le bonjour aussi à Bernard. Et je oui, pense qu'il doit être ben écoute, il est à côté de moi. Qui est à tes côtés, voilà. Et il fait beau chez vous? Il fait beau, on a du soleil, il fait bon comme tout. Ah c'est bien, d'accord. Ben nous on a eu quelques belles journées, mais aujourd'hui c'est un peu nuageux, tu vois. Mais bon, c'est le mois de septembre, hein, voilà, c'est bien, hein. Alors, écoute, allô. Oui, allô, tu m'entends? Oui, ah, d'accord, ok, oui, j'avais eu peur, là. Donc, ben, écoute, je suis content de te recevoir cet après-midi sur Radio Guémozo et puis dans les années Bonheur. Oui. C'est la deuxième fois hein, que tu... Oui, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tout à fait, oui, bien sûr. C'était le 17 mai 2018. C'est ça. Voilà. Et puis, merci d'être sur notre antenne, hein, forcément, ça fait plaisir. Écoute, c'est moi qui te remercie quand même, et qui vous remercie toute l'équipe de Guémozo, hein, parce que vous laissez quand même la possibilité aux artistes de s'exprimer et de faire aussi leur promotion, surtout par ces temps difficiles. Hein. C'est vrai, tout à fait, oui, c'est vrai qu'on est là pour ça. Alors donc, tu as entendu, hein, je suis accompagné de Lia. Oui, j'ai entendu. Ma collègue animatrice. Bonjour Martine. Bonjour Lia. Et puis il y a Vivien aussi qui est là de, je sais pas, de passage. Bonjour Martine. Bonjour. C'est mon assistant. Voilà, d'accord. Alors, avant de commencer Martine, et avant que j'oublie, je te passe le bonjour donc de Lynn. Oui, ben moi aussi, je lui transmets le bonjour. On se fait souvent des coucous par le biais de Facebook. Oui, ok, ah, d'accord. Je suis ses actualités, elle suit les miennes. Voilà. C'est sympa à distance comme ça de pouvoir se suivre. Hein. Ah ben c'est sympa, ouais, ouais, ouais. Depuis son beau pays là-bas, le Québec, là. J'ai un autre bonjour aussi. Oui. C'est de Marc Fendor. Je sais pas si tu connais. Marc Fendor. Ouais. C'est un artiste suisse que je suis aussi. Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Marc? Alors, Marc, il chante aussi. Ouais. J'ai eu le plaisir de le recevoir aussi dans. Ah, dans tu mon m'en as parlé l'autre jour. Hein. On en avait parlé l'autre jour. Il me semble. Bon, parce oui, qu'il a mis un petit mot sur la pub. J'ai pas encore eu l'occasion de voir ce qu'il faisait, mais je vais y aller, je vais aller voir. Ouais, ouais. Donc il nous a mis des beaux petits commentaires sur notre publication, sur la publication. Ouais, c'est adorable. Oui. C'est vrai que tu vois, on est écouté un petit peu de partout aussi, hein. C'est vrai. Mm-hmm. Hein, je sais. Voilà. Je hein, sais, tu hein. vois là. Le Québec, la Suisse, la Belgique, ouais, c'est bien. Bien. Voilà. Génial. Donc génial. Martine, tu m'as fait parvenir deux albums. Oui. Hein, deux albums. Donc un album qui s'intitule Chanter pour ceux, avec des chansons de Michel Thor. Oui. Ah, des chansons que des tu as choisies. Michel Thor, un petit peu moins connu voilà. que des chansons courantes, on va dire, qui font partie du répertoire de Michel Thor, mais qui sont magnifiques. Hein. Oui. Qui sont vraiment magnifiques. Et c'est bien parce que ça change un petit peu de style, quoi. Hein. C'est vrai. C'est du Michel Thor, mais pas très connu. C'est vrai. C'est ce que je dis souvent. Des fois, c'est vrai qu'on écoute toujours les grands succès. Ouais. Des artistes, et puis parfois on retrouve des petites pépites, des chansons bien. Il y en a beaucoup de pépites hein, dans les répertoires d'artistes. En ce moment d'ailleurs, je fais pas mal de directs sur Facebook et justement, oui. je fais découvrir des chansons qui sont beaucoup moins connues et il y en a vraiment des jolies. Hein. Oui, bien sûr, oui, comme tu avais fait pour Mike Brandt, hein, c'est ça. Eh ben, c'est ce que j'ai fait dimanche dernier. Ouais, et là, ouais. le dimanche prochain, ça va être Sylvie Vartan. Ah, c'est bien ça. Surprise. Bon. Ah oui, surprise. Alors là, bon, il va falloir que. C'est quand tu dis samedi? Dimanche prochain, à 18h. Sur ma page Facebook. Sur ta page Facebook. Donc Martine en live, hein, en live Facebook. En live, toujours en live, dans mon petit studio, tranquillement chez moi. Les gens rentrent dans mon intimité. Oui. Mais il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait donc des lives Facebook, hein, forcément, puisqu'avec les problèmes que l'on connaît. Ben oui, et puis bon, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, hein, de se faire connaître et d'obtenir des contrats et d'avoir une certaine renommée, et ça va très vite de se faire oublier. Hein. Oh oui, on est vite oublié. Et voilà, d'où l'intérêt de faire des directs et puis de continuer en plus à faire des coucous aux personnes qui nous suivent, quoi. C'est quand même sympa. Bien sûr, ouais. Voilà. Et puis alors. Comme toi, par exemple. Comme moi. Bah oui. Au moins, il y a longtemps que je n'ai pas fait de live. Non, mais je te fais des coucous. Ah, pardon. Oui, des coucous, bien sûr. Bah, écoute, comme je dis toujours sur Facebook, à force, on est quand même une grande famille, hein, avec des artistes, des animateurs, pas, hein. des amis. Que, voilà, on se connaît, c'est sympa. C'est vrai que quand on gère bien nos pages et tout, c'est formidable. Ah, il faut être présent, hein. Il faut être là. Oui, c'est vrai, il faut être présent. Bon, ouais. Ce matin, j'ai été un petit peu en colère ce matin. Je sais pas si tu as vu. Non, ce matin, non, j'ai pas vu, non. J'ai pas l'habitude de mettre des avis, des choses comme ça, mais alors ouais. là, avec le Covid, avec tout ce qu'on entend et ce qu'on nous prépare, là, j'avoue que. J'ai dit, c'est pas possible, on va pas y retourner une deuxième fois, hein, quand même. Hein. Ben bien sûr, ah oui, c'est vrai que. C'est trop dur, là. Oui, et puis là, ça remonte, hein, les... Ça remonte, et puis bon, à la télé, ils nous remontent pas le moral, donc tout ça, ouais. Ça nous remonte pas le moral non plus à tous. Et puis, hein, il faut dire que c'est parti, enfin, donc au mois de mars, hein, c'est parti de chez vous, hein, je crois, le plus gros. Oui, c'est parti hein. de. Enfin, ouais. Entre. Aux infos, c'est ce qu'on a entendu. Après, on nous démentait, mais je pense que réellement, c'est parti de Creil. Hein. D'accord. Alors, c'est dans l'Oise que tu es, Martine, hein, c'est oui, ça ? Oui, je suis dans l'Oise. C'est dans l'Oise, voilà. Donc, bah, écoute, je vais profiter pour faire un petit coucou à mon amie animatrice Mado. Mado, moi aussi, je lui fais un coucou à Mado. Je lui fais plein de gros bisous. Je sais qu'elle nous écoute, Mado, bien sûr, de temps en temps, quand elle peut, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Elle fait son émission le mercredi, elle, Mado, et puis, moi, des fois, je l'écoute, des fois, je peux pas, parce que voilà, c'est vrai qu'on a, on a une vie aussi après la radio. Oui, il faut quand même penser à sa vie personnelle. Hein. On ne peut pas non plus toujours être branché à la radio. Hein. Exactement. Alors, je voulais te parler aussi. Donc, il y a un deuxième album, pardon. Oui. Que tu m'as envoyé aussi. Une chanson, une mélodie. Oui. Donc, alors, ça, celui-là, il a été fait pendant le Covid. Celui-là a été fait pendant le Covid, d'accord. Il a été fait pendant le Covid. Ouais. Et ce sont que des chansons inédites. Des compos donc de toi, Martine, et puis donc de Jean-Claude Delorme, qu'on va saluer aussi, je ne sais pas. Alors, pour la petite histoire, Jean-Claude, c'est quelqu'un de ma famille par alliance. D'accord. Qui est auteur, qui fait beaucoup de poèmes. Il est très poète. Hein. D'accord. Et puis, moi, en général, je fais mes compositions, je fais mes musiques, mes arrangements, et je fais mes paroles toute seule. Et puis là, je lui dis, mais tu sais pas, tu veux pas venir me fournir quelques textes, et puis je vais voir dans tes textes s'il y a quelque chose que je peux mettre en musique. Oui. Et donc, sur l'album, il y a 5 chansons, ce sont des textes à lui. Voilà, ouais, ok. Voilà, donc c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Bon, il y aura une prochaine, hein, je pense, hein, parce qu'on s'est bien entendu, on s'est bien accordé. Ça se sent, excuse-moi, je te coupe. Ça se sent dans le CD. C'est quand tu me les as envoyés, c'est le tout premier que j'ai écouté, hein, pour te dire. Hein, c'est le tout premier que j'ai écouté. Vraiment, c'est des belles chansons, des beaux textes. On va en parler tout à l'heure, hein, puisque donc j'ai fait quelques choix. Hein. Oui, t'as bien fait. Quelques choix entre le CD de Michel Thor et puis le CD Une chanson, une mélodie. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et on en reparlera bien sûr au fur et à mesure des chansons. Alors donc comme je disais, non c'est rien, c'est chez nous, Samy. voilà. Donc alors Martine, je vais revenir rapidement sur ta bio. Donc tu fais partie d'une famille de musiciens. Hein, je suis née dedans. Tu es née dedans. Tu es tombée dans la marmite. Oui, j'ai eu la chance d'arriver dans une famille où il y avait déjà 3 musiciens. D'accord. Comme ça, ça aide quand même. ça donne l'oreille musicale. Hein. Ah ben, tout à fait, oui. Tu te sens un petit peu poussé. Hein, oui. Donc là, il y avait du piano, guitare, accordéon, clarinette. Oui, alors mon frère, c'était clarinette. Il a fait clarinette et bugle. Ma sœur aînée a fait de l'accordéon et ma sœur Evelyne a fait de la guitare. D'accord. Et après, moi, je suis arrivée avec ma sœur jumelle. On nous a mis au piano. D'accord. Voilà. Donc là, tout pour faire un orchestre, en fait. Ouais, c'était ça, hein, souvent le dimanche. Hein. Ah ouais. On faisait de la musique, on faisait du bruit. C'est ça. Et mon père jouait du sax. D'accord. Voilà. Donc, tu es tout de suite rentré. Enfin, bon, bien sûr, il y a eu les études, hein, forcément. La vie de famille. Hein, À quel moment tu es rentré d'une adolescente poussée par les parents pour les études, hein, quand même. Hein, il n'y a pas que la rigolade, hein, dans la vie. Hein, faut être un peu sérieux aussi. Hein. Ah ben c'est sûr. Les parents étaient d'accord quand même après quand tu as eu envie de. Ouais, moi j'ai toujours eu un grand fan, c'était mon père. D'accord. Ouais. Et il m'a toujours poussé, énormément poussé. Ouais. Mais c'est bien quand les parents, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord. Bon, comme tu disais, il y a les études, tout ça. On dit souvent, écoute, fais tes études et puis on verra après. Hein. Ah ben, il y avait ça aussi, hein, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Ça ouais. aussi. Hein. Ok. Mais bon, c'est-à-dire qu'après, on ne peut pas non plus amener une éducation musicale à des enfants et puis après leur mettre une grille. Hein. C'est pas possible. Hein. Bien sûr. Alors Martine, je te propose qu'on écoute une première chanson. Vas-y. Donc là, on va commencer par Michel Thor. Oui. Hein? Donc j'ai choisi ce titre, Alors je chante. Oui, voilà. C'est normal. Voilà. C'est normal. C'est la vie d'une chanteuse, c'est la vie de Michel Thor, c'est ma vie à moi. D'accord. Voilà. On écoute et puis on en reparle. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. Vêtue d'un sentiment qui assez d'amour qu'il ne comprenait pas. Ils n'ont pas su donner la vie à tous ces sentiments qu'ils ne comprenaient pas. Chanson quand même. Hein, même. Elle est jolie, hein. Ah, elle est jolie, oui, oui, bien sûr. Ah, ouais. C'est vrai que, comme on disait, voilà, on retrouve des belles chansons sur ces artistes qu'on connaissait moins. Enfin, les chansons qu'on connaissait moins, mais c'est vrai que c'est beau. Ah oui. Mais il y en a d'autres, hein, des belles. Hein. Ah oui, il y en a d'autres, j'en ai sélectionné d'autres. On pourra pas passer tous les deux albums. Ah non, bah enfin, non, je veux dire, toutes bah les non. chansons, bien sûr, mais voilà. Et puis, de toute façon, après, je les rediffuserai dans mon émission Coup de cœur, parce que j'ai une émission Coup de cœur aussi. Ah, sympa. Voilà, c'est donc je fais les interviews. Je fais, bon, la semaine dernière, j'avais fait un hommage à Joe Dassin pour les 40 ans de sa disparition. Et puis, tu vois, là aussi, j'avais choisi de ses grands titres. Hein, La fleur aux dents, l'équipage Jojo, l'été indien. Non, mais j'ai en souris parce que avec l'IA, on avait eu un petit fou rire la semaine dernière. Et puis, ben, j'avais choisi aussi deux, trois chansons qui n'étaient pas trop, trop connues du public. Et voilà. Hein, bah voilà. Vrai, mais c'est important parce que, bon, il y a toujours eu à l'époque des 45 tours. Bon, il y avait le 45 tours, il y avait le tube et puis il y avait la phase B. La phase B, voilà. Mais dans les phases B, il y avait des trucs sensationnels. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais. On a découvert d'autres chansons. C'est vrai que à cette époque-là, on écoutait le grand tube et puis voilà, on mettait de côté, on écoutait autre chose. Et puis après, ouais, c'est vrai que c'était. Ah, oui. Ouais. Alors, Martine, donc, bon, je reviens sur ta bio. Hein, je dis. T'as du boulot. Ouais, non, mais j'ai flotté. J'ai pas flotté, hein, j'ai fluoté. Ah, j'ai bien compris. Ah, pour être un petit peu, voilà, bon. Alors, en suivant. Bon, tu auditionnes chez Barclay, chez Philips. Oui, chez Barclay, chez Philips. Chez Philips, voilà. Donc, chez Barclay, là, c'était, enfin, chez Philips aussi, je suppose, mais chez Barclay, c'était sérieux. Ah, c'était le même style de maison de disque. De maison de disque, hein, ouais. Alors, à l'époque, on arrivait avec la partition, et c'était un pianiste qui nous accompagnait. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai auditionné chez Barclay avec la chanson « Femme » de Nicole Croisille. Ah oui, ok. Et j'avais un pianiste, alors je me rappelle de son nom, il s'appelait Monsieur Jaïs Robert, oui. À l'époque, qui était donc pianiste et prof de chant. D'accord. Et quand j'ai auditionné, il m'a dit « Oh là là, mais attends, il faut monter les aigus à la fin ». J'ai dit « Mais moi, j'y arriverai jamais, hein !» Et il m'a dit, si, attends. Alors, il m'a un peu expliqué et tout. Et à la fin, j'ai monté les aigus. Et il me dit, moi, si tu veux, je te donne des cours de chant. Mais à l'époque, c'était 50 francs de l'heure. Ah ouais. Mmh. Alors 50 francs de l'heure aujourd'hui, je sais pas ce que ça représente. Hein, mais moi, j'avais pas les moyens. Hein. Écoute, moi, j'avais fait des cours de chant. Pas les moyens hein, à l'époque. Ouais, j'avais fait des cours de chant. Moi, quand j'avais fait mes deux petits EP, j'avais ma prof. Je sais plus combien elle me demandait. Donc en euros, combien je payais, je sais plus. Je sais plus trop. Je vais donner 30 euros, je sais plus. Ah, mais moi, je m'en rappelle. Ouais, ouais, en plus, j'étais toute jeune, mariée, pas beaucoup de sous. Hein. Bon, oui, c'est voilà. Sûr, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard ? Il parle à côté, hein, y en a fait. C'est Bernard qu'on entend. C'est Bernard. Voilà, donc pour la petite histoire. Et okay, puis, bon, j'ai pas été retenue parce qu'on m'a demandé une chanson inédite et j'en avais pas. D'accord. Voilà, okay, parce qu'il fallait arriver avec une chanson inédite. Alors, soit écrite et composée par soi-même, soit par quelqu'un d'autre, mais il fallait arriver avec un produit, quoi. D'accord. Voilà. Voilà, j'en suis restée là. T'en es restée là. Donc, je vais le dire brièvement, parce que voilà, en 83, tu fais un bébé. Oui, c'est un petit garçon, voilà, voilà. Qu'on verra plus tard, qui va aussi participer, qui va aussi... Thomas, il a participé avec nous, avec vous, hein, dans des grandes aventures. Dans des grandes aventures, hein, voilà. Mm-hmm. Alors, j'arrive en 89, là, tu vois, j'en profite. Oui, c'est bien, hein. Non, 80, qu'est-ce que je dis, non, 85. 85. Donc, tu fais partie d'un groupe de rock, Sofa, oui. Chérie. Oui. Alors, je dis chérie, c'est pas pour toi, hein, c'est pour... Non, j'ai bien compris. Non, alors, je plaisante. Sofa Chérie, à l'époque, j'étais très rock, hein, et j'étais choriste dans le groupe. D'accord. Et d'ailleurs, les personnes qui veulent me voir à cette époque, ils peuvent aller sur YouTube. Ouais. Et sur Martine Over, groupe Sofa Chérie, et ben, ils regardent. Alors, c'est des petits extraits parce que ça a été sauvé d'une cassette dans un état lamentable, hein, c'est en noir et blanc. Et on avait enregistré deux clips sur FR3 Picardie, FR3 Lille. Et c'était Lille à l'époque quand on a enregistré. Et donc, je suis une des deux choristes. D'accord. La plus petite. Ah, mais il faut, j'ai référé un petit tour sur YouTube. Ah, il y a des pépites aussi sur YouTube. Il y a des pépites, ah oui. ouais. Ok. Donc, on monte en 93, là. Oui. Donc, tu te remaries. Oui. Et reçois de ton conjoint les encouragements et le partage de cette passion. Ben voilà. Et c'est là que tout arrive et tout commence vraiment. Ça commence vraiment, ouais, d'accord. Ouais, vraiment. Bon, avant que je me remarie, j'ai travaillé un petit peu dans les studios d'enregistrement quand même. Ouais. J'étais choriste dans un studio où avait enregistré Bibi d'ailleurs. Ah oui. C'était des studios qui se situaient dans l'Aisne. Et après, j'ai travaillé pour les radios à Versailles, les studios de Versailles. Ouais. Donc là, j'étais choriste dans les studios de Versailles, donc j'intervenais au coup par coup, on m'appelait pour des chanteurs, je me rappelle pas s'il y avait des connus ou pas connus, parce que moi, à l'époque, tous ceux que j'ai vus passer n'étaient pas connus, mais peut-être qu'ils ont été connus après. Après, mais, voilà, peut-être. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, on m'appelait, on faisait écouter une musique, et on me disait, il y a des chœurs à placer, donc j'improvisais les chœurs, je plaçais des tierces, des quintes, et voilà. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était la grande mode, hein. Tierce, quinte et tout. Hein. C'était un boulot de dingue, les chœurs. Hein. Ah ouais, ok. Voilà. Et donc, je travaillais au coup par coup. Et j'ai également fait des jingles pour les métros parisiens. Pour les... Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu, Martine. Pour les métros parisiens. Ah, pour les métros parisiens. Des jingles publicitaires. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on entend quand on va dans le métro ou... Dans la galerie, contact. Enfin, des trucs comme ça, quoi, on va dire. Hein. D'accord. Bon, ils ne sont plus en cours. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, bien sûr. Même plus. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Alors, Martine, si tu veux bien, on va écouter maintenant une chanson donc de cet album, une chanson, une mélodie. Oui. Hein. Alors moi, comme j'ai ouvert le boîtier, j'ai bien aimé la rondelle. Oui. Ah, la rondelle qui est fait comme un 45 tours avec des, hein, c'est chouette, j'aime bien ça, c'est beau. C'est beau. Mm-hmm. C'est vrai que On fait un petit voyage en arrière quand on ouvre le coffret. Ah ouais, non, mais après c'est beau, parce que c'est comme je dis toujours, hein, bon, c'est vrai qu'on reparle souvent de la même chose, mais bon, tout ce qui passe en téléchargement, oui, bon, c'est bien, je veux dire, on télécharge, c'est bien, le streaming, etc. Ouais. Mais quand on a un bel objet dans la main, c'est quand même autre chose. Ouais. Hein, puis tu parlais du vinyle tout à l'heure, bon, bah, je redis, c'est vrai, souvent le vinyle revient beaucoup maintenant aussi. Hein. Énormément. Hein, ça revient énormément. Et alors la pochette, je tiens quand même à faire une petite parenthèse. Je t'en prie. La photo qui a été prise, c'est un monsieur qui me suit en général dans mes galas dans le Nord, hein, et qui prend des photos. Alors c'est André Liag qui a pris une photo. Oui. Et donc nous on l'a un petit peu travaillé en noir et blanc avec une couleur pastel rose qui ressort au niveau de l'écharpe et de la lampe. Mais la photo revient à André Liag. D'accord. Voilà, un grand merci à lui parce qu'il me fait toujours des photos sensationnelles. D'accord. Non mais c'est vrai que c'est agréable, hein. Quand j'ai ouvert, j'étais pas surpris, mais je me dis, oh tiens, c'est joli comme CD, comme ça. Eh ben, tant mieux. Ah ouais. On voit les autres personnes qui découvriront, hein, sur cet album-là. Donc alors on va écouter une première chanson de cet album, une chanson, une mélodie. Et là j'ai choisi Tout cet amour. Tout cet amour, voilà. Alors ça, c'est le texte, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. D'accord. Oui, ça, alors donc ça, c'est les textes et compositions de Martine, de toi, donc. Hein. Et voilà. Voilà. Comme une grande. Si jamais si bien servi que par soi-même. Après, c'est bien aussi de partager. On en parlera après par rapport à Jean-Claude Delorme, hein, bien sûr. Ah, Jean-Claude, parce qu'il est une sacrée plume aussi. Mais c'est complètement différent de ce que je fais moi, donc c'est ça qui est bien. Ça complète. C'est vrai. Et puis, il y a une certaine pointe d'humour. Il y a des fois, alors il y a une jolie chanson aussi. C'est pour demain, là, comment c'est. Sur l'album ? C'est comment après ? Il est sur ton album ? Ah oui. C'est comment après ? Et c'est Jean-Claude qui a fait les paroles. Elle est vraiment très belle, cette chanson. D'accord. Alors, si tu veux, on écoute tout cet amour. Vas-y. Allez, c'est parti, merci. C'est parti. C'est un découvert sur les ondes de Radio Gémozo cet après-midi dans les années Bonheur. Voilà, Martine, on vient d'écouter Tout cet amour. Oui. Belle chanson aussi. Ah, les chansons d'amour, c'est souvent triste. Hein. Et oui, c'est vrai, c'est ce que je pense aussi. Ça fait pleurer. Ah oui, c'est ce que je dis toujours, les plus belles chansons d'amour, c'est souvent des chansons tristes. Alors, il y a des gens qui disent, enfin, mais c'est vrai, ça s'est montré plusieurs fois. Quand on écoute une chanson, qu'on est gay, on écoute le rythme. Oui. Et quand on est triste, on écoute les paroles. Ah oui, c'est vrai que, tout à fait, ouais. Eh ouais. Mais la mélodie. Alors oui, la chanson dont je te parlais tout à l'heure, vas-y, dis-moi. Raconte-nous. Ah oui, raconte-nous, oui. Ben raconte-nous, Martine. Alors en fait, Jean-Claude, il a écrit un texte. Oui. Sur le questionnement la vie après la mort. Ouais. C'est quand même sujet qui est. C'est pas facile, c'est délicat quand même. Hein. Ouais, c'est sombre. Et il a traité ça d'une manière. Bon, il y a eu quelques petits mots que j'ai un peu corrigés en lui disant attention, c'est une chanson, c'est pas une poésie. Et là, on peut pas balancer des mots trop brutaux, trop violents. Oui. Donc, on a amené ça en douceur et elle est très très belle cette chanson. D'accord. Alors, bon, j'ai écouté tout le CD. Hein. Alors, donc, j'ai fait un choix. Oui, ben t'as bien fait. J'ai fait un choix, mais au contraire, tu sais, celle-ci, c'est bien d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Ah bah oui, bien sûr. Et le choix de différentes personnes, justement, c'est parfait parce que c'est que ça, chaque chanson apporte quelque chose à quelqu'un et différemment. C'est bien. Non, mais c'est bien que tu en parles, Martine. Mais bon, je l'ai pas mis sur ma playlist. Celle-ci, mais comme je te disais, hein, ça restera pas dans les tiroirs. Hein. On fera une émission coup de cœur où je rediffuse, bien sûr, comme je t'expliquais tout à l'heure, des titres de différents artistes dans mon émission, hein, c'est-à-dire sur 1h30. Donc je ne vous oublie pas. Et voilà. Ça reste, voilà. Il y a une chanson qui s'appelle comme ça aussi, Je ne vous oublie pas. Oui, je ne vous oublie pas. Oui, je ne sais plus qui c'est qui chantait ça. Je ne sais même plus qui est-ce qui chantait ça. Il y a une chanson qui me vient, c'est Je ne t'oublie pas. C'est pas Je ne vous oublie pas. Ou il y aurait dû avoir plusieurs. Je ne t'oublie pas. Moi, ça, c'est une chanson de Frédéric François. Mais bon, il y a une sœur qui a dû faire. Hein. Voilà. Alors, tu sais que Martine, tu fais partie du top 10 hein, quand même de l'émission des années Bonheur. C'est vrai. Eh ben oui. C'est la deuxième fois que tu nous fais le plaisir de partager. Ah, ça me fait plaisir, hein. Ah, ouais, bien sûr. Il va quand même falloir qu'on prenne la voiture et qu'on aille faire un tour vous voir, hein, là. Ah, ben écoute, ça serait avec grand plaisir, hein. Et je regarde mon chauffeur, hein. Oui, hein? Qu'est-ce qu'il dit, le chauffeur? Il serait d'accord. Et puis, le chauffeur. C'est la cour d'à côté. Les Vosges, c'est une belle région aussi, hein. Mais oui, vous connaissez, mais moi, non? Si j'ai un contrat là-bas, j'y vais, hein. Moi, il n'y a aucun problème, hein. Ben écoute, ben je sais pas, les auditeurs, je sais pas, ils nous écoutent. Tu peux le. Moi, il n'y a aucun souci. Hein. Et puis, c'est vrai que ça nous ferait plaisir tous de vous voir en studio, en live. Hein, pas. Parce que c'est vrai qu'on s'amuse déjà bien au téléphone, mais alors en direct, ça va être terrible. Ah, oui. C'est vrai qu'en live, en studio, c'est vrai que c'est. Voilà, on est ensemble, tous ensemble dans le studio. C'est sympa. Bon, après, au téléphone, c'est cool aussi, quand même. Hein, c'est vrai que. Oui, bien sûr. Voilà, bien puis, sûr. On, puis après, les artistes, vous êtes loin aussi, hein, bien sûr. Hein, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on espère bien, quand même, hein, de se voir. Ben c'est vrai que c'est plus sympa d'être de visu autour d'une table et d'échanger, Plus facile. Hein. Voilà. Alors je continue un petit peu, Martine, sur ta bio. Hein. J'en arrive là en 98. Oui. Tu crées ta troupe de spectacle. Il s'est passé quelque chose en 98. Ah hein. Oui. Tu crées ta troupe de spectacle avec des danses. Exactement. Puissance tube. Puissance tube. Oui. Oui. En fait, on a appelé ça Puissance Tube parce qu'on reprenait tous les tubes qui étaient vraiment repris et chantés par tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Tous les standards de la chanson. Française ou toujours française? Il y avait un peu de tout. Un petit peu de tout, d'accord. Mais aux trois quarts français, quand même. Ouais. Hein. Trois quarts français. Et alors, c'était agrémenté de jolies danseuses et de jolis costumes. Ah! Hein, on peut voir et ça moi, sur YouTube. Aussi, hein. Comment? À l'époque, je dansais aussi. Ah, d'accord. Mais on peut voir ça aussi sur YouTube. Eh ben, tu pareil sur YouTube, il y en a. Il y en a, d'accord. Ben alors là, voilà, j'irai faire un tour aussi. Il y a tout un montage. C'était un montage qui avait été fait dans une discothèque. Oui. C'était en quelle année ça? En 2001. Et d'ailleurs, pour le décès d'Annie Cordy, j'ai mis un petit truc sur mon Facebook, parce qu'Annie Cordy, j'ai eu la chance de la rencontrer. Ah oui, oui, j'avais vu ton... Ouais, j'ai eu la chance, et en dessous, il y a une vidéo où je fais Annie Cordy. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est extrait de... Bah, tu peux trouver ça sur YouTube. Ouais, bien sûr, ouais, j'avais vu. Bah, là, Annie Cordy, mais sur YouTube, il y a tout un medley. Alors, je faisais Hello Dolly à l'époque, j'étais en body que de pied et tout. Hein, et ah tout, oui, et Hello tout, Dolly, hein. Oui, d'accord, ouais, ok. Ouais, ça, c'est... Aujourd'hui, le body, je le laisse aux autres. D'accord. Bon, faut mieux en rire, hein. Mais exactement. Hein? Ben oui, bien sûr. Et puis, alors, par la suite... tu parlais en 2000, hein, c'est ça, 2000. Bon, ben, tu montes avec ton mari et ton fils. Un cabaret. Le premier cabaret à l'auberge des Mousquetaires. Voilà, premier cabaret. Donc, animation et spectacle, dans ce alors, cabaret. Alors, on avait comme parrain, on avait Jacques Monti. Ah oui, Jacques Monti, d'accord, ok, Monti, oui, oui. Pareil, hein, faut faire travailler la mémoire. Hein. Ah non, il n'y a pas de souci là-dessus. Jacques Monti, c'est Aller les Verts. Aller les Verts, bien sûr. La Maison Bleue. Ouais, moi je me souviens. Dans la Maison Bleue, où j'ai grandi. Ah oui, voilà. Oui, c'était bien ça. Hein? Ouais, parce que Jacques Monti, je l'avais vu moi sur la tournée Âge Tendre. Exactement. Et puis, en fait, il ne chantait qu'une chanson, si je dis pas de bêtises, c'était Aller les Verts. Bon. Aller les Verts, bah, bon, forcément. C'était sympa. Mais bon, je me suis dit, il avait fait quand même quelques 45 tours dans ces années-là. Ah oui, il a eu plusieurs chansons dans son répertoire, mais c'est vrai que c'est Aller les Verts qui a marqué. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, je me souviens, moi, de Brasilia Carnaval aussi. Je ne sais pas si ça te cause, cette chanson-là, Brasilia Carnaval. Il y avait aussi, ça parlait de fête, là, je ne sais plus le titre. Non, mais c'est sûr, Monti, oui. Et Monti, lui, c'était le... Il a travaillé, à ses débuts, forcément, il a animé sur Europe 1, Salut les copains. Absolument. Avec. Moi, je ne l'ai plus en mémoire, ça, oui. Oui, bien sûr, oui. Bon, j'avais un petit peu revu ça, les temps derniers, il y a quelques temps, puisque, bien sûr, moi, je suis des années 60. Enfin, tu vois, j'ai suivi tout ça, puis on écoutait ça quand on était jeune. Hein, quand on rentrait de l'école, on écoutait Europe 1, Salut les copains, avec Daniel Filippaki. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom, donc, et puis Monti a animé l'émission quelques temps, si je ne dis pas de bêtises, voilà, comme tu parlais de Monti. La bonne époque. Ah, c'était la bonne époque, les années 60, 70, même un petit peu avant, 80 aussi, les années 80. Ah bah, les années 80, oui. Hein. C'était... C'est ma jeunesse, moi, les années 80. Ah bah, bien sûr. Non, c'était bien. Après, bon. Moi, à partir de 90, j'accrochais plus trop avec... Il y avait quand même certains titres qui sont sortis qui étaient pas mal quand même, mais c'est vrai que par rapport aux années 80, c'est un peu pas long, je dirais. Oui, c'est ça, tout à fait. Hein? Aussi, il y a des artistes qui ont perduré dans les décennies, parce que, bon, si on prend les grands, Sardou, Johnny, ont passé toutes ces... Des fois des moments où ils ont eu sûrement un petit creux de la vague aussi, mais bon, ils ont perduré, donc on a continué à les entendre dans les années 90 et tout, et puis 2000, etc. Quoi, hein. Alors, on s'écoute une autre chanson ? Ben vas-y. Alors, celle-là, je l'aime bien aussi, moi. Alors, celle-là, c'est sur le CD donc, de Michel Thor, voilà. Pour tous ceux, c'est ça le titre, hein, oui, je ne dis pas de bêtises. Pour, oui. Pour tous ceux, donc, on écoute I Remember You. Ouais, elle est belle. Elle est belle, celle-là. Ouais. Et puis on sort. Bon, elles sont toutes belles, de toute façon. Hein. Oh, oui, bien sûr. Ouais. Bah, celle-là, c'est non, mais celle-là, elle nous petite ramène. Référence. Elle a un style musical des années un peu 60-70. Voilà, aussi, ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, un petit côté, ce petit côté romantique, etc., que l'on aime bien. On écoute, Martine ? Bon. Eh ben, avec plaisir. À tout de suite. Oui. voyage à l'étranger. Dis, j'aimerais avoir de tes nouvelles, savoir si tu as une amie et si tu lui rends la vie belle. Toutes ces choses que l'on Ah oui, oui, Lia ne serait pas occupée à la technique, je l'aurais invitée à danser. Ah, ben bah, dommage, mince. T'as raté l'occasion. Oui, oui, ça sera pour une autre fois. Non, mais c'est vrai que j'aime bien cette chanson de Michel Thor, là. Enfin, de Michel Thor, bien sûr, puis... Celle mais oui, que mais tu oui c'est Michel Thor, c'est le oui, répertoire c'est Michel, à Michel Thor. Michel Thor. Alors, je voulais te poser une question, Martine. Oui. Bon, là, je fais un petit peu... Ben, des fois, je fais flashback, je reviens un petit peu en avant. Enfin, bon, tu chantes Michel Thor. Oui. Tu chantes Véronique Sanson aussi. Oui. Bon, ça, on en avait parlé sur la première émission. Oui. C'est peut-être délicat, je veux dire, mais est-ce que tu as une préférence? Comment tu sens sur les deux... Alors... Sur les deux voix, ben, écoute, enfin, les si deux... tu veux, moi, je suis plus Véronique Sanson au naturel. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi pour t'avoir voilà, écouté. Voilà, si tu veux, dans la vie de tous les jours, si tu veux, j'ai toujours eu plus ou moins l'intonation de la voix de Véronique Sanson. Oui, oui, ça s'entend. J'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir choper sa façon de faire, sa façon de chanter. Mmh. Bon, après, je joue du piano, bon, ben, j'ai cette chance-là aussi, hein. Oui, bien sûr. Maintenant, Michel Thor, ça a été un travail un peu plus approfondi parce qu'elle a une méthode de chant qui est différente. Elle travaille beaucoup par le ventre. Ouais. Et par la puissance. Donc là, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais bon, c'est un travail d'exercice vocaux, hein, de toute façon, hein, oui, et de respiration. Et une fois que je suis dans le personnage, que ce soit de l'une et de l'autre, je me sens bien dans l'une comme dans l'autre, vraiment. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Et puis alors, j'ai répondu ou faux? Ah non, c'est bien, Martine. C'est bien. c'est bien. Et puis alors, je lisais sur ta bio aussi, enfin. Mais bon, on reviendra bien sûr, hein, dans les années 2000, etc. Je disais aussi, alors bon, je cite, hein. Oui. Lunettes noires, chevelure blonde. Oui. Avec une voix au perché qui peut descendre dans les graves. Oui, je reconnais le texte. Ouais. Alors, non, parce que j'avais. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur scène, Martine Auer fait illusion. Ouais. Cette habitante d'Estrée-Saint-Denis, dans l'Oise, est le sosie déclaré en France de la chanteuse Véronique Sanson. Ouais. Alors, tu dis, je ne pourrais pas assister à son concert vendredi soir. Bon, là, c'était à une certaine date. C'était quand elle a fait l'Olympia. Ah d'accord, ok. J'ai tellement de respect pour son travail, je ne sais pas si j'oserai un jour aller vers elle. Voilà, c'était ça ma question. Je vais aller la voir en spectacle, bien sûr. Je vais aller la voir en spectacle. Hein. Mais est-ce que tu l'as rencontrée? Bon, je suis allée à la sortie pour essayer de la voir quand même. C'était au mois d'octobre 2018. Oui. Et 2019. Et comment je vais dire? J'ai attendu un petit peu, puis après, non, je ne peux pas. J'ai du mal, si tu veux. Je ne sais pas comment elle va percevoir le fait que j'arrive, je lui dise, ben voilà, je travaille, je suis votre sosie, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais je veux dire, bon, pour avoir écouté tes chansons et tout, quand tu chantes Véronique Sanson, je veux dire, c'est bien. Ouais. C'est bien. Tu la chantes bien. Parce que, je veux dire, il y a des sosies. Je la massacre pas. Enfin, mais non, tu la massacres pas. Voilà, donc. J'ai trop de respect pour massacrer. Ah, bah non, bien sûr. Je lui dis, voilà, donc, parce que tu sais, il y a plein de sosies, enfin, différentes. Ouais, différents artistes et tout. Oui, il y a des fois, c'est un massacre, hein. Je veux dire, il ferait mieux de. Alors, parce que bon, des fois, ils ont le sosie, des fois, ils ont le physique de l'artiste. Ouais. Mais bon, je veux dire, vocalement, c'est nul. Ou alors après, alors, ils chantent en playback, peut-être. Après, c'est la voix qui est pas mal, et puis c'est le physique qui est pas terrible, enfin. Bon, c'est vrai que il y en a des tas, des sosies, mais vraiment des belles voix. Après, tu sais, un vrai sosie, c'est qu'il ressemble physiquement. Oui. Après, il y a le sosie artiste comme moi, ou comme bien d'autres. Dans la rue, on va pas me prendre pour Véronique Sanson, hein, tout de suite, hein. Quoique, ouais, j'ai le style, mais bon. Il y a une petite légère. Pas me prendre ni pour Michel Thor ni pour Véronique Sanson, mais par contre, dans les éclairages et dans le travail scénique, ah, ça oui, fait une illusion, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, oui, parce que bon, hein, t'as le visage un petit peu quand même. Hein, je regarde ta photo là que tu m'avais envoyée, et puis bon, les cheveux blonds. Voilà, c'est vrai que oui, et comme tu dis, avec les éclairages et tout, c'est. Bah, ça fait illusion, ça, forcément. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Alors. Je me lève le matin, je suis moi. Hein, oui, c'est. C'est Martine. Je me regarde dans la glace, ça va, je suis toujours moi. D'accord. Alors, avec ton mari, Martine, vous organisez alors le premier festival de la chanson francophone de Picardie. Oui. Avec un reportage sur FR3 Picardie. Oui. Hein, voilà, c'était un premier festival. Il y en a un deuxième aussi qui. Oui. De la chanson francophone. Et dont. C'est là que tu rencontres. Dans le jury, il y a monsieur Jean Renard. Jean Renard. Ben, en fait, je l'ai rencontré, Jean Renard, lors d'un gala où je faisais une première partie de Nicoletta. Ah ouais? C'était. Quelle salle? Les fêtes du 8e arrondissement. Dans le 8e arrondissement, à la salle des fêtes. Ouais. Et en fait, il était venu avec une chanteuse avec qui j'avais vraiment accroché, Shiraz, et on a passé la soirée toutes les deux à se faire jeter de la loge par Nicolette. Entre parenthèses. Mais bon, ça nous a bien fait bien rire et ça m'a permis de rencontrer monsieur Jean Renard. Ah, c'était un grand monsieur. Et voilà. Et quand on a organisé notre concours francophone, je me suis permis de l'appeler. Oui. Et j'ai dit, voilà, Jean, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur d'être, de faire partie du jury? Ben, c'est avec grand plaisir. J'y croyais pas, hein. Et il était là, dans le jury. Voilà. Et c'est là qu'a commencé une grande aventure. D'accord. On rappelle que M. Jean Renard, donc, voilà, qui a été compositeur pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Mike Brandt, Jim Manson, voilà, un grand ouais. monsieur. Hein, plus ça va être de... Dallas, plus Amour, Gloire et Beauté, ah oui, y a des... Castor le Fantôme, toutes ces choses qui passent à la télé, Amour, Gloire et Beauté, tous les matins, c'est la musique de Jean Renard. De Jean Renard, ah d'accord, ouais, ok. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors donc, là, cette rencontre avec, avec Jean Renard donc, va te donner envie de composer et d'écrire des chansons. Oui, c'est ça. En fait, je composais déjà, puisque dans mes tremplins francophones, les prix quand les personnes arrivaient finalistes, c'était un CD de titres avec deux chansons inédites adaptées ouais. à la gagnante. Donc déjà, je composais, si tu veux, mais après, le fait de bon, il y a eu d'autres choses entre deux, c'est que Jean, il a voulu monter une comédie musicale. Oui. Qui s'appelait Laisse-moi t'aimer. Il ah ouais. a voulu la monter et il voulait s'entourer de personnes capables de pouvoir avec lui gérer un petit peu tout ce qui était administratif. Donc il avait monté son équipe. Alors il y avait Bernard, mon mari. Ouais. Il y avait un ami, Francis Henriquel, qui lui s'occupait de tout ce qui était sécurité. Il y avait Yves Poré qui lui faisait tout ce qui était sécurité intérieure. C'est-à-dire que Francis, il s'occupait de tout le montage technique, chapiteau et tout. Oui. Et Yves Poré, lui, s'occupait de tout ce qui était sécurité, tout ce qui est pompier. Oui, tout ce que l'on trouve. Comment permettait de sécuriser les autorisations et tout pour implanter les chapiteaux. Mmh. Et donc, moi, j'intervenais au milieu, au niveau des artistes, mais vraiment à un tout petit niveau, hein, moi, hein, vraiment. Ouais. Voilà, et il devait participer dans cette comédie musicale. Il y avait Jim Manson, il y avait Carlos. Ah oui, d'accord. Il y avait, qui encore, je ne sais plus, comme artiste. Il y avait, entre autres, le gagnant de notre tremplin. Ah oui. Qui avait été donc repéré par Jean Renard. D'accord. Donc, ce qui fait que Jean est venu pendant près d'un an à la maison, tous les mercredis ou jeudis soirs. Oui. Mmh. Et il venait donc entraîner le jeune au champ. Et on se faisait une bouffe après, et une partie de pétanque billard, et on terminait à des heures pas possibles. Voilà. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien. Ce qui fait que les liens d'amitié se sont créés. Et un jour, j'ai dit à Jean, écoute, t'es mignon, mais j'aimerais bien quand même co-signer avec toi si tu pouvais m'en donner la possibilité. Il m'a dit, bon, banco, vas-y, compose des musiques, je te fais les paroles. Et voilà, c'est comme d'accord. ça qu'on a bossé ensemble. Mais tu sais pas, on va revenir après, Martine, ça, puisque bah, oui. on va revenir après, mais on va réécouter une autre chanson. Donc. Avec plaisir. Alors là, tu vas, oui, il faudra que tu m'en parles parce que, de ton album Une chanson, une mélodie. Mmh. Là, j'ai choisi la chemise blanche. Ouais, alors, elle a une histoire, celle-là. Hein. Oui, c'est ça. Alors, si tu alors, veux bien. En fait, oui. Jean-Claude est un poète. Hein. Oui. Et un jour, il est venu à la maison. Ouais. Et il a commencé à nous chanter la chemise blanche en grattant sur sa guitare. Mais il n'est pas chanteur, Jean-Claude. D'accord. Il est poète, mais il n'est pas chanteur. Et ouais. c'est vrai que. C'était, normalement, c'était ma robe blanche. Quand oui, tu d'accord. mets ta robe blanche, à la base. Oui. Et ça nous a fait rire, on était morts de rire, mais bon, on était en ambiance fête, hein, voilà. Bien sûr. Et quand on a décidé de travailler ensemble, il me dit, tu sais, Martine, bah, je dis, oui, mais je peux pas chanter la robe blanche quand tu mets ta robe blanche. Je dis, non. Bah, il me dit, je vais te refaire les paroles en mettant la chemise blanche. La chemise et je lui blanche. Dis, bah, écoute, envoie ton texte, on verra bien. Et je l'ai relu, mais de manière sérieuse ce coup-ci. Et j'ai dit, mais attends, il est vraiment sympa son texte. Voilà. Oui. Donc je me suis mise au piano et ça donne la chemise blanche, la chanson qu'on va écouter. D'accord. Alors on écoute. C'est très sympa. Hein oui, je sais. Alors on écoute la chemise blanche. Eh ben avec plaisir. Thank you. Chemise blanche. Alors, ça me fait toujours rire quand oui. j'écoute cette chanson. C'est vrai que quand on a un petit peu, enfin quand je dirais quand on a un petit peu préparé l'émission, quand on s'est appelé et quand je t'ai parlé donc de cet album et puis tu m'as parlé de la chemise blanche. Bon, c'est vrai qu'on en a pas, on s'est pas attardé dessus, mais j'ai senti dans ta voix que. Oui, parce qu'elle a une touche d'humour et elle a tellement une histoire pour nous que voilà. Ah bah oui, bien sûr, Et puis en même temps, c'est quand même un peu les rythmes disco et tout, c'est oui, sympa quoi. C'est sympa, tout à fait. Alors, Bernard, est-ce qu'il met des chemises blanches, Bernard? Bernard, il met des chemises blanches. Ah d'accord, ok. Obligé. Il m'a entendu là, Bernard, oui, je pense. Oui, il est à côté, il est à côté. Une petite note d'humour. Hein. C'est tellement transpiré que la chemise blanche, elle devient grise. D'accord. Ok. Alors, on revient donc après Monsieur Jean Renard, donc où tu vas composer, tu vas co-signer, on va dire, oui. une chanson pour un artiste de Belgique, hein, je crois. De Belgique, alors qui était super connu en Belgique, hein, Valdo de Chili. Hein. Valdo de Chili. Ouais. Oui. Il était d'accord. très très très connu en Belgique. Hein. Ouais, ouais. Bon, un peu moins en France, mais en Belgique, il était très très connu. Hein. Mmh. Oui, dans le Nord, il était connu aussi, hein, dans le Nord. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bah, il y avait des beaux artistes aussi en Belgique. Enfin, il y a des beaux artistes aussi en Belgique. Il y a de très très beaux artistes en Belgique. Hein. Oui, oui. Bon, pour revenir un petit peu, je me souviens dans les années 70, bon, acheter les 45 tours, tout ça, ben, on découvrait aussi ces artistes-là de Belgique. Hein, pour citer, je ne sais pas, Christian Vidal, par exemple, Crazy Horse, Alain Delorme, malheureusement, qui est décédé. Alain Delorme, hein, voilà. Puis d'autres, hein, bien sûr, hein, d'autres artistes. Hein, Il y a notre ami Annie Cordy quand même. Et puis, Annie Cordy aussi, pour Annie Cordy, c'est vrai, qui a fait une sacrée carrière. Hein, Annie plus Cordy. Que ça même. Hein. Pareil, c'était une femme adorable. Hein. Ah oui, elle devait être sympa. Oh là là, vraiment. Hein. Sur la tournée H Tendre, pareil, je l'avais vue aussi, Annie Cordy. C'est vrai qu'elle mettait une sacrée ambiance hein, dans la salle et tout. Oui. Puis on l'a toujours connue, Annie Cordy. C'est vrai que dans nos jeunes années, elle était déjà présente, tout ça sur scène. Enfin, elle a travaillé avec Luis Mariano. Elle a fait la comédie musicale avec Bourvil. Enfin, il y a eu. Et puis après, bon, voilà, la chanson et tout ça. C'est une grande dame. De la chanson, ça fait beaucoup d'années quand même, hein. Donc forcément, c'est une carrière qui est immense, hein. Mmh, et variée. Et variée, oui. Alors, tu composeras aussi également pour un humoriste. Bruteur. Oui, il est composé pour un monsieur qui s'appelait Philippe Pujol. Oui. Ah, il oui, était bruiteur, humoriste bruiteur. Oui. Il était d'ailleurs inscrit sur le livre d'Hercor. Et il faisait le cri de Tarzan et de la hyène rieuse. D'accord. Alors, tu lui as composé une chanson. Alors, j'ai composé une chanson qui s'appelle Jusqu'au petit matin. Oui, d'accord. Voilà, qui est aussi. Alors, le clip, il est aussi sur YouTube. Hein. Oui. Oui. Ça s'appelle Jusqu'au petit matin. Et dans le clip, bah, on nous voit, nous, Bernard et moi, en train de faire les pitres. Oui. Et il y avait le directeur du Châtelet, il y avait le mime suiveur des Champs-Élysées, Silvio Bolligno. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait encore Christian Marchal, un animateur présentateur. Oui. Qui est toujours dans le métier d'ailleurs sur Paris. On avait pipi bon des figurants forcément. Mm-hmm. On a passé une journée de pitrerie. Oui. Pour sortir ce fameux clip. D'accord. Alors, je vois la pochette, pochette voilà. du 45. C'est 45 tours, c'était encore 45. Oui. C'était un CD, parce que là, on est dans les années 2000, de 2004 à 2009. Ah oui, on était en 2003-2004. 2004. Alors, je veux dire, les trois jeunes dames derrière, est-ce que tu es dessus? C'était mes danseuses. C'était tes danseuses. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais. C'était pas mal, hein. Ah, c'était pas mal, oui. Ah, c'était pas mal, hein. Moi, j'aimais bien. Ah oui, Bernard. Dommage que je ne vous ai pas connu plus tôt, je serais venu plus tôt. Ah, bah oui, bon, on en a encore des belles danseuses, hein. Ouais, bah, tu sais, j'avais promis à Mado de venir aussi... chez elle. Oui. Parce que Mado était venu en vacances dans les Vosges il y a 2-3 ans, je sais plus, ça passe tellement vite. Uh-huh. Et puis donc on avait fait une émission ensemble avec Mado, elle était venue dans nos studios, on avait fait une émission, on avait bien déliré aussi, tu vois, deux animateurs ensemble, t'imagines ce que ça donne? Bah oui. Et puis elle m'a dit, Gilles, il faut que tu viennes nous voir. J'ai dit, oui, Mado. Et puis bon, bah voilà, après, tu vois bien, le temps passe, tout ça, mais bon, alors... Si tu passes dans le secteur, t'as intérêt d'appeler, hein. Ah bien sûr, attends. Non, je vais me fâcher tout rouge. Ah oui, non, non, je veux pas, non. Non, donc, c'est pour ça, je reprends, quand je vais voir Mado, je passerai vous voir, je vous appellerai. Ah bah bien je sûr. Hein. Voilà. Alors, on se réécoute une autre petite chanson. Allez, là, on repasse sur Michel Thor. D'accord. Avant d'être chanteuse. Ah oui. On écoute. Elle est bien aussi, celle-là. Elle est bien aussi, ouais. Quelqu'un t'interroge, toi tu lui parleras de la robe dans ma loge, du café moitié froid. Si quelqu'un te demande si j'ai peur, si j'ai froid, dis-leur que ces guirlandes sont mes Noël à moi. Avant d'être chanteuse, on est n'importe quoi, une apprentie rêveuse, une star sans éclat. Avant d'être chanteuse, on a chanté sans foi la chanson orgueilleuse du succès qui viendra. Avant d'être chanteuse, on essuyait les pleurs, on était heureuse dans un vieux cinéma. Avant d'être chanteuse, on a aimé tout ça, on n'est jamais heureuse que les soirs de gala. Quelqu'un veut savoir, toi tu sauras lui dire. Le public est un phare et la scène un empire. Si quelqu'un te questionne sur mes après-midi, dis-lui que je n'ai personne qu'un refrain qui me dit. Avant d'être chanteuse, on est n'importe quoi, une apprentie rêveuse, une star sans éclat. Avant d'être chanteuse, on a chanté sans foi la chanson orgueilleuse du succès qui viendra. Avant d'être chanteuse, on s'est dit tant de fois, et pas très ambitieux, j'aurai ma place à moi. Avant d'être chanteuse, l'orgueil prenait le pas sur ma vie amoureuse, et puis l'amour s'en va. Avant d'être chanteuse, on a Martine, voilà, avant d'être chanteuse. Ben oui, comme qu'est-ce quoi, que tu faisais avant d'être chanteuse? On a fait tous les métiers avant. Bien sûr, oui, je plaisante. Je plaisantais, j'avais une petite question, Martine. Quand tu composes, oui. Je veux dire, tu es dans quelles conditions? Enfin, je veux dire, tu es. Comment tu. En pyjama? Non. En pyjama, c'est ça? En fait, je me lève le matin. Je te bouscule. Je prends mon café tranquille. Je ne te réveille pas. Hein. Exactement. Comme d'habitude. Je monte dans mon Vas-y, studio. Vas-y, excuse-moi, Martine. Ah non, mais non. On plaisante. Je monte dans mon studio, alors oui. Je suis telle quelle, comme je me d'accord. lève. D'accord, ouais. Donc alors... en pyjama, comme dit Bernard. D'accord. Voilà. Non, alors moi, je... Bien je me lave le soir. Alors bon, je voulais pas préciser comment que tu étais habillée, hein. Ah ben voilà, ben il a répondu. Mais ça fait rien, tu as répondu. Non mais je veux dire, dans quelles conditions, enfin plus le soir, plus le matin. Non, en fait, avant je travaillais, je commençais par faire la musique. Ouais. Et ensuite je faisais le texte. D'accord. Et maintenant je travaille à l'envers, dans l'autre c'est sens. Plus le texte et la musique et après. C'est, et c'est grâce à Jean-Claude. D'accord. Ah, okay, c'est grâce à Jean-Claude parce qu'en fait, il m'a. Enfin, quoi qu'une fois, je l'avais fait pour Ted Sanders. Hein. Ah oui, oui, j'allais en parler aussi. Oui, pour les vagabonds. Pour les vagabonds. Il m'avait amené un texte et il a fallu que je fasse la musique. Et c'est vrai que je n'aimais pas travailler dans ce sens-là. D'accord. Mais là, avec Jean-Claude, c'est ce que j'ai fait. Mais finalement, c'est pas mal parce que le texte nous amène le style musical c'est... derrière. D'accord. C'est plus facile texte musique ou alors ça dépend des artistes, enfin je sais pas, c'est plus facile texte musique que musique et texte, enfin je sais pas. Bah avant je préférais et maintenant je préfère texte musique. D'accord, ok. Ouais. Ouais, donc le texte il me permet à alors si tu veux je le chantonne dans ma tête et je cherche plein de mélodies en fonction des paroles que j'enregistre et puis à partir de là je choisis celle qui me va le mieux. Et après, je cherche les accords sur mon clavier, et après, je cherche les rythmes et les instruments que je vais mettre dedans. Est-ce que tu soumets est-ce que tu soumets à Bernard, par exemple, quand tu as fait une composition? Ah, toujours, voilà, je voulais savoir. Toujours, il écoute. Voilà, ouais. Il écoute Bernard et il te dit ce qu'il en pense, bon, donne son avis. D'accord, mais. Oui! Mais oui, toujours. Ah, c'est bien. Ouais. Oui, donc tu en as parlé, hein, donc tu as fait pour Ted Sanders. Hein, ouais. Ça s'appelait le Snooki. Le Snooki, alors Snooki. Ça a été le premier titre que j'ai fait pour lui. D'accord. Ouais. J'avais eu l'occasion de l'avoir aussi en phoneur, Ted Sanders. Ouais. Et puis après, puis j'ai eu après comment. La jeune dame enfin qui chantait aussi avec lui j'ai oublié oui, le nom Morène non je crois pas c'est pas ça mince ah Katie Lucille ah oui Katie Lucille voilà ah oui non mais attends t'as raté un épisode de Dallas hein, toi oh. Mais je crois que j'ai eu la vie privée ça me regarde pas hein, quand ouais. Non, parce que je crois que j'ai eu Ted Sanders en premier, et puis Katie Lucie après, ou alors oui. Je ne sais plus, voilà, ouais, donc... Oui. Après, c'est Morène maintenant qui chante avec... D'accord, voilà, avec oui, j'ai, comme tu dis, j'ai loupé un épisode. Et plus d'affinité. Donc après aussi non, tu... Non, ils sont en couple, ils sont mignons ouais. comme tout. Bien sûr, ouais. Ouais. Et puis très... Elle chante bien, oui, d'accord. Elle chante bien. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et puis donc, il y a aussi un projet sur l'album des Vagabonds aussi que entre deux alors, rock et un coca, sept titres. Ça a été plus qu'un projet, si ouais. tu veux, puisqu'en 2004, sur un album de 12 titres, j'ai quand même fait 7 compos complètes, c'est-à-dire auteur, compositeur, arrangeur. Enfin, j'ai fait des arrangements sur 11 titres. D'accord, ouais, ça fait déjà. Ouais, j'ai travaillé un an dessus. Hein. Ah, ouais. Ah, ouais. Mm-hmm. Et ça aboutit, quoi, je veux dire. Bon, c'est du rockabilly, hein. Oui, c'est du rockabilly, oui. Hein. Ben, ça, c'est le style hein, des Vagabonds et puis de Ted Sanders avec la banane. Exactement. Ah, Bernard était producteur des Vagabonds à l'époque. Ah, oui, ok, d'accord. Oui, ouais. Ton mari, donc, Bernard, oui, était producteur. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Bon, c'était sympa aussi, les Vagabonds, j'aime bien ça, ouais. C'est bien rythmé. Ouais, ça, sauf que quand j'ai bossé sur cet album, bah, ils se sont séparés peu de temps après. Et ah donc, oui, d'accord, ouais. C'était plus... Bah, ça n'a pas été une affaire pour moi. Hein. Oui, je me doute, oui, c'était plus délicat. Alors, Martine, j'aimerais qu'on réécoute encore une chanson. Ben, vas-y. Hein, vas-y. Et donc, le temps passe vite. Et le temps passe vite. À toi, il est 17h22. On reparlera un petit trop peu. Trop vite. Oui, toujours trop vite. Et puis, il faut dire qu'on est un petit peu bavard. Hein. Oui, parce que j'ai une information à vous donner, en plus. Ah, d'accord. Alors, ok. Ben, écoute, mets-la sous le coude. Oui. On écoute, on va écouter celle-là, j'aime bien, donc de ton album, une chanson de mélodie. Belle île en mer, c'est titre phare. Ouais, Belle île en mer, c'est endormi. Aussi. Hein, j'aime bien ça aussi, celle-ci. Alors, Belle île en mer, c'est un texte de Jean-Claude. D'accord, auteur Jean-Claude, voilà, une composition. C'est un hommage, forcément, à Voulzy et Souchon. Voilà, j'avais bien compris comme ça. Alors, ouais. On l'écoute et on Allez. Se retrouve après. Ouais. S'est endormi. Sympa une petite voix comme ça. Hein? Ah oui, je veux dire, oui, ça fait un petit peu jazzy même. Hein, c'est pas mal, je trouve. Ah, c'est si, tout si. Frais, tout frais. Et c'est tout frais, tout frais. Alors, avec un bon soda, c'est sympa, ça. Mon cocktail. Alors, Martine, donc, on est là aussi pour faire ta promo. Hein. Comment se procure-t-on ouais, surtout que maintenant... Alors, il suffit, comment il se procure-t-on de, ces de deux albums sur mon Facebook. Hein. Ton dernier bébé, oui. Voilà, par Messenger, simplement. On me fait une demande par Messenger et moi, je rappelle la personne automatiquement. Sinon, elle peut m'appeler directement. Il hein, n'y a pas de souci. D'accord. Je peux donner mon numéro de téléphone. C'est comme tu veux, Martine, si tu veux donner ton numéro de téléphone. Oh, ok. Alors, le 06 oui. 43 02 27 16. Vous pouvez également visiter mon site martinover.com, alors www.martinover.com. D'accord. Il y a tous les coordonnées dessus. Voilà, puis en fait, voilà, il y a aussi tout encore tes précédents albums, hein. Mes précédents albums, tout ce qui est Sosie, Véronique Sanson, Michel Thor, mes galas avec mes danseuses, parce que je fais de la grande revue aussi avec les danseuses, avec des belles plumes et tout. Ouais. Voilà. Et puis bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu les... actualité, je vas-y, peux oui. maintenant. Ah ben, je t'en prie, vas-y, donne-nous le scoop. Alors, le 18 septembre prochain, ouais. Je passe sur la télévision VO. Ah oui. Dans d'accord. l'émission Sur un air d'accordéon. Avec Daniel Pruvot. Avec Daniel Pruvot. Oui, c'est Daniel Pruvot. Voilà, c'est alors, dans Sosie de Véronique Sanson. Oui. Accompagné de mon guitariste Dan. D'accord. Et puis, dans le Sosie de Michel Thor. Ok. Alors, sachant que c'est diffusé le 18, mais après, ça sera diffusé tous les 40 jours. D'accord. Alors, c'est une chaîne VO, hein, c'est ça? Alors, VO, W et O. D'accord, ouais. Sur ma page Facebook, vous avez tous les liens en fonction de vos abonnements, ce que vous avez, si c'est TNT ou Freebox, ou voilà, j'ai tout mis hein, sur ma page Facebook. Alors, c'est également diffusé sur IDF1. Oui. Tous les jours aussi, alors à 13h30. Oui. Et c'est pareil, bon, il y a les liens et donc je passerai également sur IDF1 le 18 septembre prochain. D'accord, ben écoute, on va regarder ça. Enfin, moi, je vais regarder. Hein, si, alors, je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que moi, je n'ai pas vu les images non plus. Hein, d'accord, non, mais bon, donné, hein. je te connais en photo, enfin, je... virtuellement, non, on a eu des échanges, des partages. Hein, voilà, mais bon, je voudrais bien voir Martine comme ça. Hein, En chair et en os. En chair et en os. Pas en pyjama. Alors, une autre information, parce qu'en ce moment, c'est pas les galas qui pleuvent, hein, malheureusement. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Hein, je participe à un événement au profit d'AHI, c'est-à-dire Assistance Humanitaire Internationale. Internationale de Christian Delagrange. Dont le président est monsieur. Delagrange, Christian Delagrange. Excuse-moi, je t'ai devancé, non ? Parce que je sais qu'on en avait parlé avec Christian quand j'avais eu à la radio aussi, oui. Vas-y. Ah, voilà. Ouais. Une belle association. Et donc, enfin, belle... je serai en compagnie des chocolates. Ah ouais. Il va y avoir Sloan. Ouais, Sloan. Il y a qui encore ? Phil Barnet. Ah oui, Phil Barnet, bien sûr. Voilà, puis d'autres artistes. Tous les artistes qu'on connaît bien. Hein. Et on fait ça, donc ça se passe à Rennes dans le 59. D'accord. Voilà, et puis j'ai hâte d'avoir des contrats. Qu'est-ce que je m'ennuie de ah ben, je me doute bien, il est temps que ça revienne, tu vois, c'est vrai que même nous, enfin je veux dire, voilà, il n'y a plus rien, en ce moment il ne se passe plus rien. Il n'y a absolument plus rien, et quand on passe des petits coups de fil, bah, tout le monde est comme nous, hein, très ils ont peu, tous hein, le moral dans que... les chaussures. Ah bah oui, on a besoin de retrouver tout ça, c'est vrai que... Ouais. Voilà Martine, eh ben, écoute, je vais te laisser... Ok. Je te dis encore un grand merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Mais tu remercies tous tes petits autour de toi, là, de ton ouais, équipe. Toute ma petite équipe, ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et puis Lynn, surtout, gros bisous au Canada. Oui, ben Lynn est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Hein. Gros bisous, Lynn. Voilà. Plein de bisous. Et puis donc, merci Gilles, merci Martine, beaucoup. Et puis merci. Donc, je te fais des bisous, je fais des, je sais pas comment dire, le bonjour à Bernard. Des câlins à Bernard. Des câlins. D'accord. Des câlins à Bernard. Pas trop. Voilà, et puis bah, c'était vraiment avec grand plaisir hein, de t'avoir encore dans les années bonheur. Voilà, merci. Toujours de beaux sourires. Et puis gros bisous à tous les auditeurs. D'accord. Et promis, je viendrai vous voir. Voilà, je serai dans votre belle région. Ah oui, puis moi, si je viens dans l'Oise, je vous contacte, il n'y a pas de problème. Ah bah, t'as intérêt. On va terminer avec une de tes chansons, Martine. Oui. Encore un soir. Voilà, on termine l'émission avec cette chanson. Merci. Ben, c'est à super. Bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bye bye, au revoir. Au revoir.